السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، سنواصل بإذن الله. نكون فيني الحمد لله في الدرس الماضي من واجبات الصلاة. On a fini les obligations de la salat. Et on avait dit que ces obligations-là, celui qui les délaisse délibérément, l'avis de la plupart des savants, c'est que sa salat, elle est annulée. Et s'il oublie involontairement, par inattention ou autre, alors l'expiation, c'est de faire sujud de sahou. La prosternation de distraction. يقول المؤلف حفظه الله تعالى في المسألة الثامنة والسبعين 78 مسألة أذكار الركوع والسجود les invocations de l'inclinaison et de la prosternation. Donc qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là? في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. Et la dernière fois, on avait expliqué que ça, c'était parmi les obligations de le dire. C'était parmi les obligations. Et الدليل على ذلك هو حديث tiens, je sais pas si c'est le même là. C'est حديث ابن عباس. Voilà, donc ici il a mis c'est le حديث de حذيفة. Mais dans le متن c'est le حديث ابن عباس. Il y a une erreur. يقول رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنون أن يستجاب لكم رواه مسلم. Il a dit qu'au Nabi صلى الله عليه وسلم dans le recours, l'inclinaison, il faut faire le ta'zim d'Allah. C'est le fait de dire Subhanallah ou Subhana Rabbi al-Azim. Et c'est un ordre. Et dans le sujoud, efforcez-vous dans la vocation afin qu'il vous soit répondu, qu'elle soit exaucée. Car dans le sujoud, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fait hadith akhar, akrab ma yakun al-abd min rabbihi wa wa sajid. Que le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est que lorsqu'il est prosterné. Lorsqu'il est prosterné. Et dans un autre hadith de Hudayfa, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Subhana Rabbi al-A'la, ou Subhana Rabbi al-A'la. Il faut le dire au minimum une fois pour remplir l'obligation. Et la sunna, c'est de le dire trois fois. Et ce hadith, qu'on a mis en commentaire, أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد, que le moment où le serviteur le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est prosterné, cela réfute les gens qui disent que قبلة الدعاء السماء, qui disent que la قبلة du دعاء c'est le ciel. Et lorsqu'on se prosterne, vers nous sommes dirigés vers le sol. Bien que le cœur vers Allah Azawajal, et Allah il est au-dessus. Mais le ciel n'est pas la qibla du du'a. En soi, cette expression, fiha nazar. Allez, ta revoir. Thumma yaqul fi al-mas'ala al-tasi'a wa sab'in. ما يقول الإمام والمنفرد بعد الرفع من الركوع. Que dit l'imam et celui qui fait la salat seul après s'être relevé de l'inclinaison. يقول سمع الله لمن حمده وحين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. Donc lorsqu'il se relève du rukou, là c'est l'imam qui le dit, ou celui qui fait la salat seul, Sami Allah liman hamida. Et il dit également Rabbana wa lakal hamd, sauf que ça c'est une chose que doivent dire également les gens qui sont présidés. Par contre, eux ne doivent pas dire Sami Allah liman hamida. Qad dhakarna hadi mas'ala. Et Sami Allah liman hamida, c'est souvent traduit par Allah entend celui qui le loue. وَمَعْنَا سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدًا En réalité, c'est comme une invocation pour dire que Allah réponde à celui qui le loue. هذا هو المعنى. Parce que là, il dit سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ Normalement, il aurait dû dire سَمِعَ اللَّهُ مَنْ حَمِدًا Si ça avait le sens de entendre seulement. Il n'y aurait pas besoin du harf jar qui est li ici. Donc ce harf jar vient montrer que le sens, il diffère du sens d'origine. Et là, c'est un sens de demande d'exaucement de l'invocation. Et donc après, il dit « Rabbana wa lakal hamd ». Ô notre Seigneur, à toi la louange. Wa dalilu wa hadith Abi Hurayra radiyallahu anhu. قال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد حديث متفق عليه. Selon Abu Huraira, le prophète عليه الصلاة والسلام il a dit, ou plutôt il a dit que lorsque le prophète se levait pour la salat, il faisait le takbir. Ce takbir-là, on avait parlé que c'est un pilier. Takbirat al-ihram. Et il faisait le takbir lorsqu'il s'inclinait, lors du recours. Puis il disait, c'est-à-dire au moment où il se relevait du recours, « Sami Allahu liman hamida » dont on expliquait le sens. Là, il a été traduit selon l'apparent, mais en réalité, le sens, c'est ce qu'on a dit. Que Allah exauce celui qui le loue, en fait. Et il disait cela lorsqu'il redressait sa colonne vertébrale de l'inclinaison. Puis il disait, lorsqu'il était redressé, « Rabbana wa kalhamd ». Donc, bien retenir « Sami Allahu liman hamida », ça c'est l'imam qui le dit, ou celui qui fait la salat tout seul. Mais en groupe, on ne le dit pas. Mais ceux qui sont derrière, ils disent Rabbana wa lakal hamd. Thumma yaqulu fil mas'ala at-tasi'a wa sab'in. 79e mas'ala. Ma yaqulu al-imam wal munfarid ba'd ar-raf min ar-ruk. Non, je ne lis pas ça. Non. C'est athamin. Non. Mas'ala athamin. Non. طيب المسألة 80 التشهد في الصلاة le tashahud qu'on fait dans la salat. On avait expliqué que le premier tashahud c'est un wajib et le deuxième c'est un pilier, à savoir que on trouve les deux que dans toutes les salawat à part le fajr. Le fajr est un seul tashahud et il est considéré comme étant le pilier. Quant aux autres salawat, il y en a deux. Et là, lui, l'auteur cite ce qu'on dit dans les deux à la base, sauf que dans le deuxième, tashahud, on dit plus de choses. Yaqul Asah siyar at-tashahud hadith ibn Mas'ud. Donc le hadith le plus authentique qui montre la meilleure façon de faire le tashahud, c'est le hadith rapporté par ibn Mas'ud qui est mutafakun alayhi. Anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam يقول فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقول التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله متفق عليه. Avalen, dans mon traduit, il faut savoir que les Sahaba, lorsqu'ils faisaient le tashahhud, ils disaient Assalam à Allah, voilà Jibril, wa Mikaïl, wa Fulan, wa Fulan. Et ensuite, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a corrigés en disant que le salam, min asma'illah, Awalen. Et ensuite, il dit, c'est là qu'il a dit le hadith, lorsque l'un d'entre vous s'assoit dans la salat, qu'ils disent, les salutations sont à Allah, ainsi que les salat et les bonnes choses. Et là, le tahayyatu lillah, on traduit par salutation, et ça a le sens de toute bonne parole. Wa salawatu tayyibat, ça a le sens des bonnes actions, des actes. Paix sur toi, ô prophète, ainsi que la miséricorde d'Allah et sa bénédiction. Paix sur nous et sur les serviteurs vertueux. On peut dire paix, on peut dire salut également. Car salam, ça a le sens. Ça a ce sens commun. J'atteste qu'il n'y a d'adorer légitime qu'Allah et j'atteste que Mohammed est le serviteur d'Allah et son messager. Et le hadith, Tayyib Mutafakun Ali, l'authentique. Et ça, c'est ce qu'on dit dans le premier tashahhud. Et on le dit également dans le deuxième avec un ajout qui est Salat al-Ibrahimiyya, comme on va le citer, Inch'Allah. Et le premier tashahhud allait avant, sa façon d'être fait, c'est que les sahaba s'asseyaient sur, comme vous le savez, avec les genoux sur le sol et les pieds derrière, et ils mettaient les mains entre les cuisses. Il n'y avait pas encore l'indication avec le doigt. Les mains étaient entre les cuisses. Puis cela a été abrogé, parce qu'on va citer là, dans la prochaine mas'ala. Et il s'avère qu'Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il n'a pas su cela, lui. Il n'a pas su la nouvelle façon de faire. Donc il est resté sur l'ancienne. Donc lorsque vous voyez des athars, des témoignages de sahaba qui disent qu'Ibn Mas'ud faisait le tashahhud de telle et telle façon, il ne faut pas faire comme ça. Même si c'est un sahabi. Lui, c'est juste qu'il n'a pas eu le nouveau jugement, donc il est resté sur ce qu'il connaissait. D'accord ? Mais cet acte-là a été abrogé par la suite. Donc la vraie façon de faire le tashahhud, de s'asseoir, on va la citer maintenant. Bon, vous la connaissez, mais pour vous dire, si demain quelqu'un vous dit il y a divergence, ou des sahaba ils ont fait différemment, on dit ça c'était avant. Puis cela était abrogé. C'est comme quelqu'un qui viendrait faire la salat en se tournant vers Ebet el Magdis. On va dire ça c'était avant, après ça a été abrogé. Si tu fais ça maintenant, ta salat elle sera annulée. À part si Ebet el Magdis est dans la Qibla. Par exemple, je crois que nous, en France, ça, quand on se dirige vers la Qibla, on se dirige également vers Ebet el Magdis. Donc c'est dans notre direction. Mais quelqu'un qui serait, je sais pas moi, en Australie, en Indonésie, ou ailleurs, Beit al-Maqdis, non, c'est pas sur sa direction. Normalement. Donc ce qui a été abrogé n'est plus effectif. Et celui qui agit avec une abrogation, eh ben son acte sera invalide. Sauf s'il est ignorant et ne savait pas, on lui apprend. Et s'il persiste, cela peut même arriver à du kufr. Qu'il refuse le jugement d'Allah Azzawajal. Qu'il reste sur une chose qui a été abrogée. Tout dépend du degré de son refus. Yaqul Sifat al-Julus fi salat wa al-Ishara fi tashahhud. La façon de s'asseoir dans la salat et le fait de pointer le doigt dans le tashahhud. Comme dit le hadith Abdullah ibn Zubayr, radiallahu anhu, قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بأصبعيه السبابة أخرجه مسلم. Il dit que le message d'Allah, عليه الصلاة والسلام, lorsqu'il s'asseyait dans la salat pour le tashahhud, plaçait sa main droite sur sa cuisse droite et sa main gauche sur sa cuisse gauche et il pointait de l'index. Voyez, سبابة. Après, des ulama, ils ont divergé, est-ce qu'on remue le doigt ou pas? Et ça revient, cette divergence-là, elle revient, on dira, au à la méthodologie de chaque muhaddith. Les muhaddithoun, ils ont des règles sur lesquelles ils sont unanimes et des règles sur lesquelles ils divergent. Donc, en fonction des règles sur lesquelles, c'est un peu comme les mazahib. Les mazahib, des fois, ils ont des règles. Dans un mazhab, tu ne seras pas dans un autre mazhab. Donc, selon le mazhab, s'il a une règle qu'il a affirmée et que lui considère comme étant authentique, il agira d'une certaine façon. Et d'autres agiront différemment. Donc, les muhaddithoun qui voient que tu bouges le doigt, c'est qu'ils disent qu'il y a une version dans le hadith qu'un autre rapporteur parmi les gens de la chaîne de narration, un seul, a cité que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam bougeait le doigt. Et les autres muhaddithoun, ils disent non, comment ça se fait que 14 autres narrateurs ont été présents comme lui, ont entendu le hadith comme lui, sont aussi fiables que lui et n'ont pas apporté cet ajout-là. Donc ils disent, ça s'appelle quoi? Chaz, c'est une chose qui est marginale. C'est-à-dire quand une personne fiable dit une chose et que d'autres personnes plus nombreuses que lui, aussi fiables que lui, disent le contraire, on dit qu'il s'est marginalisé, donc son avis n'est pas pris en compte. Vous comprenez? Et d'autres, en la main, vont dire non, peut-être que lui a entendu ce que d'autres n'ont pas entendu. Donc après, ça dépend du l'avis de ce muhaddith. Moi, me concernant, je suis d'avis que les autres, ils étaient plus nombreux, aussi fiables que lui, ils n'ont pas rapporté ça, c'est qu'il y a peut-être eu une erreur. D'accord? Au Yémen, c'est comme ça qu'on nous apprend. Maintenant, je sais que la divergence, elle est large. D'accord? Et d'autres, voilà, moi, comme l'Albanie, lui voit que tu remues le doigt. Taïeb, donc c'est des masses sur lesquelles il n'y a pas lieu de entrer en désaccord ou de se réfuter ou quoi. C'est, voilà. C'est une chose qui est souple. Par contre, il y en a, ils disent que le mouvement du doigt ne se fait que lors de l'attestation. Pas tout le temps. Car il y en a, dès qu'ils mettent le doigt, ils bougent direct. Il y en a, ils disent non. Ceux qui sont d'avis que le doigt, il bouge, tu le bouges que lorsque tu fais l'attestation. À la fin, en fait, de ta shahoud. Après, comment on le bouge? Est-ce que c'est en tournant, est-ce qu'on s'en levant, descendant? Ça peut être précisé. Il y a écrit tahalik. Tahalik, c'est le fait de bouger le doigt. Thumma, fil mas'ala, al-thaniya wa thamanin. 82e mas'ala. As-salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa ala ahli wa sallam, ba'd tashahud. Maintenant, c'est la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, c'est maintenant, il parle du tashahud al-akhir. Dans le tashahud, qu'est-ce qu'on y dit? Ce qu'on appelle as-salat al-ibrahimiyya. C'est la salat dans laquelle on nomme Ibrahim, alayhi salatu wa sallam. Et de surcroît, sa famille, et donc dans sa famille rentre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. يقول حديث فضالة ابن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه وتعالى والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال lorsque l'un d'entre vous fait la salat, qu'il commence par louer et vanter son Seigneur. Puis, qu'il fasse la salat sur le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Puis qu'il invoque après cela par ce qu'il veut, comme invocation. Wa qal. ومن أحسن سير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث ابن أبي مسعود البدري أن بشير ابن السعد قال للنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ donc la meilleure façon de faire cette salat sur le Nabi صلى الله عليه وسلم, c'est ce qui a été rapporté par Abu Mas'ud al-Badri, que Bashir ibn Sa'd, c'est-à-dire Abu Mas'ud témoigne avoir entendu ce taux de sahabi dire au Nabi sallallahu alayhi wa sallam que Allah nous a ordonné de faire la salat sur toi. Donc comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on s'y prend? قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Donc il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur enseignait comment faire cette salat sur lui. Il dit, dites, ô Allah, là il y a écrit, prie sur Mohammed. Et en réalité, salatullah ala nabihi, c'est pas une salat, on dit pas prier. Allah il prie pas. Ça a été interprété comme étant les éloges, que Allah fait les éloges sur son prophète. Quand on dit sallallahu alayhi wa sallam, faut pas dire Allah prie son prophète. Allah il prie pas. Il faut faire attention, la traduction n'est pas bonne. Mais c'est que Allah azawajal fait les éloges sur son prophète. Hada wal ma'na. Donc Allah fait les éloges sur Mohammed et la famille de Mohammed, comme tu l'as fait sur la famille d'Ibrahim. Et bénis Mohammed et la famille de Mohammed, comme tu as béni la famille d'Ibrahim sur l'univers. Tu es loué et glorieux. Et vous savez, il y a d'autres façons de le dire. Il y en a plusieurs. Ça rentre dans ce qu'on appelle khilaf et tanawwu'. C'est les divergences de variété. Ça veut dire qu'il y a une chose, tu peux la dire de différentes façons. Une même chose, tu peux la faire de différentes façons. Tout est authentique. Le Nabi Sassam, il l'a fait tantôt comme ceci, tantôt comme cela. Vous voyez, ce sont des divergences qui existent dans la religion et qui sont bonnes. La variété, comme on avait expliqué la dernière fois, Dua al-Siftah, la vocation d'ouverture avant de faire la Fatiha, il y en a plusieurs. On peut en faire plusieurs. Plusieurs façons de faire. Donc là, c'est l'une d'entre elles. Et d'autres qui lui ressemblent, dans la sunna authentique, ont également été citées. يقول في المسألة الثالثة وثمانين الدعاء قبل التسليم ثم الذكر بعده l'invocation avant la salutation puis le rappel le zikr qu'on fait après cette invocation. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير أو الآخر يعني الآخر فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'un d'entre vous termine le dernier tashahhud, qu'il cherche protection auprès d'Allah contre quatre choses. Contre le châtiment de la jahenn, de l'enfer, le châtiment de la tombe, l'épreuve de la vie et de la mort, la tentation, on va dire, également, et contre le mal du faux messie. Alors regardez, il y a des ulama, ils voient que cette dua est parmi les obligations de la salat. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'ordre. Mais dans un hadith précédent, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il enseignait le tashahhud, il a dit quoi? Thumma liyadou bima'asha. Il a dit qu'il invoque, la personne invoque par ce qu'elle veut. Donc cela prouve que ce hadith-là, l'ordre, c'est un ordre de recommandation et non pas d'obligation. Mais bien sûr, ce dua est tellement important qu'il ne faut pas le négliger. Et certains parmi les salafs, comme Taous, lorsque son fils faisait la salat, il lui demandait est-ce qu'il avait fait ce dua. Il disait non, il disait recommence la salat. Donc lui voyait que c'était une obligation. Et certains ulama disaient qu'il faisait ça pour éduquer à son enfant, ne pas oublier cette invocation, tant elle est importante. Et également, aussi une erreur qui est dans la tarjama. C'est Al-Masih Dajjal, les gens traduisent par le faux messie. Cette traduction, elle est incorrecte. Vous voyez, Al-Masih Dajjal, ça veut dire menteur. Ça ne veut pas dire faux. Il s'appelle Masih Dajjal, et Dajjal, c'est grand menteur, en fait. Elle m'a dit le faux messie, non, ce n'est pas un faux messie. Il était appelé Masih. Et Masih, en arabe, ça a plusieurs sens. Et Isa également, c'est un Masih. C'est pas, mais Issa c'est le vrai, lui c'est le faux. Non, ce sont deux personnes différentes. Et les deux, la prophétie authentique affirme qu'ils vont revenir. D'accord? Mais le Messie Dajjal, c'est pas un faux Messie. C'est un Messie qui vient et c'est un grand menteur. Mais par contre, on peut employer le terme antéchrist, comme le disent les chrétiens. Pourquoi? Parce que anté, ça veut dire celui qui vient avant. Avant le Christ. Et le Christ, à la base, bon, chez les Nasara, c'est Isa. Taban. Et le Christ, apparemment, c'est une traduction de Messie chez eux. Donc, antéchrist, c'est un sens qui est correct. Mais ça ne veut pas dire le Messie Dajjal. Mais c'est on va dire, c'est une caractéristique qui conviendrait. Mais le Messie Dajjal, on dit pas faux Messie. Cette traduction, elle est incorrecte. On va dire le Messie, ou le Messie, ou même le Christ, voyez, qui est un grand menteur. Un imposteur. Car il sera passé pour un seigneur, alors qu'il ne l'est pas. Et il va s'attribuer des attributs d'Allah, Azzawajal, qu'il n'aura pas. Adam. ثم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده قال يا معاذ والله إني لو أحبك أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبور كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك والحديث صحيح. Et selon معاذ بن جبل رضي الله عنه le prophète صلى الله عليه وسلم prit sa main. Il lui a dit: « Ô Mu'adh, par Allah, je t'aime. Et je t'exhorte, Mu'adh, de ne pas délaisser à la fin de chaque salat ces paroles, de dire « Ô Allah, aide-moi à me rappeler de toi, d'être reconnaissant et à faire preuve d'excellence dans ton adoration. » Et ça, c'est le genre d'invocation dont on ne se passe pas. Toujours, que Allah nous accorde le tawfiq de se rappeler de lui, car il n'y a rien de plus important. Et être reconnaissant des bienfaits qu'il nous accorde. Car dans le Coran, Allah dit « La in shakaratum la zidannakum » Si jamais vous remerciez, je vous rajouterai. « Wa in kafaratum in azabi la shadid » Si jamais vous êtes ingrat ou mécréant, alors mon châtiment est très dur. Donc il faut toujours remercier Allah Azzawajal, tant qu'on peut. Et également faire preuve d'excellence dans l'adoration, c'est-à-dire que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et sache que si jamais tu ne le vois pas, lui te voit. Pour parfaire l'acte d'adoration. Donc ce genre d'invocation, au kazalik, on ne s'en passe pas. Très importante. Il n'est pas obligatoire, mais il est fortement, fortement recommandé de le dire. Et regardez bien, il a dit bien le Nabi sallam, fi dubur kulli salat. À la fin de chaque salat, c'est même pas la salat obligatoire, c'est toute salat que tu vas faire. À la fin de ta shahoud, tu fais ce dua là. Et répétez à chaque fois. Naam. طيب, هذا الذي اخذنا اليوم. سنكتفي بهذا. وسبحانك وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.